Chapitre 4. La catastrophe. Le lendemain et les jours qui suivirent furent consacrés par le baron Walker à écouler le reste de ses actions de la Société des huiles minérales. Toutefois, en homme habile, il employa plusieurs courtiers afin de dissimuler autant que possible l'importance de ses ventes. Sous le coup de cette masse de titres répandus sur le marché, la baisse commença, peu sensible d'abord. Le premier jour, les actions, qui étaient à 315 dollars, descendirent à 300. À la fin de la semaine, elles étaient tombées à 250 dollars. Le vicomte de Kerlusset, qui avait, on le sait, prévu cette réaction, ne s'en montra pas surpris. Mais ce qui l'effraya, ce fut les dépenses énormes que le directeur de la société accumulait les unes sur les autres avec une véritable fièvre et dans des proportions qui n'étaient pas en rapport avec les besoins actuels. Un soir, au retour d'une excursion dans le pays du pétrole, il apprit par Lavernay que Walker venait d'acquérir, pour le compte de la compagnie, 4 vaisseaux de 1500 tonneaux chacun, destinés au transport des huiles minérales en Europe. « Si nous continuons à marcher de ce train-là, » avait ajouté Maurice, « ma caisse, déjà fort ébréchée par les annonces et les réclames, sera bientôt vide. »« Combien vous reste-t-il » demanda Kerlusset. « Environ 3 millions, sur lesquels nous avons près de 2 à payer. » Si les dépenses ne s'échelonnent pas de façon à s'équilibrer avec les recettes, avant un mois, nous serons forcés de suspendre nos paiements. La situation, on le voit, était très tendue. Toutefois, aucune catastrophe n'était à redouter tant que la production des puits se maintiendrait au point qu'elle avait atteint grâce au perfectionnement des machines et aux procédés nouveaux qu'avait introduit le savant ingénieur pour l'épuration rapide et complète des huiles minérales. Kerlusset et Lavernay, ces 2 hommes loyaux entre tous, n'accusaient le baron que d'imprudence et de prodigalité, ne soupçonnant point qu'en augmentant les dépenses de l'exploitation, il n'avait d'autre but que de vider la caisse de ses associés afin de s'emparer à bas prix des réservoirs de la Pennsylvanie. En peu de jours, la baisse des actions s'accentua d'une manière plus énergique. Elles tombèrent de 250 dollars à 190. C'était le prélude de la débâcle. Aussitôt, les bruits les plus inquiétants circulèrent sur la place. Au dire de quelques actionnaires, les sources d'huile minérale menaçaient de se tarir par suite de l'excès de la production. D'autres parlaient de faillites subies en Europe par la société. Enfin, ce qui portait le dernier coup au crédit de l'entreprise, ce fut la nouvelle répandue de tous les côtés que Nathaniel Frog avait vendu à perte les actions dont il s'était rendu acquéreur quelques semaines auparavant. Pour qu'un spéculateur aussi habile se fût retiré de l'affaire, il fallait donc qu'il doutât de sa réussite. Telle était l'opinion générale. Bientôt les choses en arrivèrent à ce point qu'Ève et Marcel remarquèrent les douloureuses préoccupations de leur mari, et ceux-ci durent tout leur avouer. Mais en voyant de femmes qu'elles étaient, au lieu de décourager Kerlusset et Lavernay par le spectacle de leurs larmes, elles les fortifièrent par leur énergie. « C'est un mauvais moment à passer, leur dirent-elles. L'affaire est bonne, elle aboutira quand même. » Malgré toutes leurs prévisions, l'orage ne tarda pas à éclater. Un soir, que les deux beaux-frères étaient rentrés plus tard que de coutume, Marcel et Ève, en voyant leur visage consterné, comprirent qu'ils étaient porteurs de fâcheuses nouvelles. « Qu'y a-t-il de nouveau ?» demanda Marcel à Kerlusset. « Il y a ma chérie, » répondit-il, « que ce que je soupçonnais malheureusement positif, le baron a profité de la hausse pour vendre toutes ses actions. »« Le tour est joué, » reprit Lavernay. Walker a dans son portefeuille la dîme qu'il a prélevée sur la crédulité publique. « Mais les lois sont donc impuissantes à punir de pareils vols ?» dit Ève, toute frémissante d'indignation. « Les lois ne sauraient atteindre ce misérable, » répliqua le vicomte. « La seule chose qu'on puisse exiger, c'est qu'il abandonne la direction d'une entreprise qu'il a si fatalement compromise par la déloyauté de ses actes. Mais cette mesure entraîne avec elle des lenteurs que ne comporte pas la gravité de la situation. » Il faudrait d'abord convoquer les actionnaires, puis un coup sec frappé sur le heurtoir de la porte d'entrée interrompit Kerlusset au milieu de sa phrase. « C'est le facteur, » dit Marcel, qui avait reconnu la manière de frapper de l'employé de la poste. « Pourvu que ce ne soit pas un nouveau malheur qu'on nous annonce, » murmura Ève qui avait pâli. Le baron de Lavernay et le vicomte échangèrent un regard d'anxiété. En ce moment, le facteur entra, tenant la main une lettre sur l'enveloppe de laquelle était imprimée, en gros caractères, « Chemin de fer du Grand Ouest, cabinet du directeur ». Cette lettre était adressé au baron de La Vernay, secrétaire général de la Compagnie des huiles minérales. « Bien, » dit La Vernay en congédiant le facteur. Puis il aurait la lettre qui était ainsi conçue. « Monsieur le secrétaire général, j'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli le nouveau tarif des transports de la Compagnie du Grand Ouest et je vous informe qu'il sera mis en vigueur sous 8 jours. Vous voudrez bien prendre les mesures nécessaires pour vous conformer à ces dispositions. » L'administrateur du chemin de fer du Grand Ouest, Nathaniel Frog. « Voyons ce nouveau tarif, » dit Kerlucet en prenant l'imprimé joint à la lettre. Il jeta dessus un coup d'œil, poussa un cri de désespoir et s'affaissa sur un fauteuil sans pouvoir prononcer un mot. Pendant que les deux sœurs s'empressaient autour d'Amaury, Maurice ramassa le papier à son tour, il en prit connaissance et il demanda si pâle qu'à mort. « Ruiné et demain déshonoré, » murmura-t-il. « Bois, » fit-il en montrant l'imprimé à sa femme. « Le prix du transport des huiles minérales est triplé et nous n'avons plus que la faillite en perspective. » Cependant, Kerlucet s'était peu à peu remis du coup terrible qu'il avait reçu. « Tout s'explique, » dit-il avec un geste de colère. « Nous sommes les victimes d'une immense escroquerie dont Walker est le promoteur et Nathaniel Frog le complice. Ils vont faire prononcer la faillite de la société pour acheter à vil prix les réservoirs que Miss Colfax nous a vendus. Ah, les misérables, les misérables !» Le nom de Miss Colfax, jeté au milieu de ce douloureux entretien, frappa simultanément Ève et Marcel. Elles se regardèrent et comprirent que la même pensée leur était venue. Cette pensée, c'était de recourir à celle qui, avant leur départ, leur avait dit « Si un danger vous menace, écrivez-moi, j'accourrai à votre secours. » Kerlucet se leva et se dirigea vers la porte. « Vous sortez ?» lui demanda La Vernay. « La soirée est peu avancée, » répondit-il, « je vais à la ville. Peut-être y recueillerai-je quelques utiles renseignements. » « En ce cas, je vous accompagne, » répliqua son beau-frère. Quelques instants plus tard, les deux sœurs étaient seules. « Tu as eu la même idée que moi, n'est-ce pas ?» dit Marcel à Ève. « Oui, et je vais écrire à Sir Paul. Une lettre mettrait trop de temps à lui parvenir. » « Eh bien, nous nous servirons du télégraphe. J'allais te le proposer. Mais il est bien entendu que nos maris ne sauront rien de notre tentative. Tu connais leur prévention à l'égard de notre ancienne institutrice. Nous ne leur dirons rien. C'est convenu, » repartit Ève. Marcel se plaça à une table et elle écrivit la dépêche que nous connaissons. La dépêche écrite, elle envoya chercher un cab qui les conduisit au bureau télégraphique. L'employé compta les mots et indiqua le coût de l'envoi. Marcel remit les dollars demandés et s'informa de l'heure à laquelle la dépêche partirait. « Il y a encombrement sur la ligne cette nuit, » répondit l'employé, « mais elle sera envoyée demain matin et elle parviendra dans la journée à la destinataire. » Les deux sœurs remontèrent dans le cab qui les ramena à leur cottage. Une heure après, Kerlucet et La Vernay étaient de retour et n'avaient rien appris. Le lendemain, il n'était question à New York que de l'union syndicale qui venait de se former entre toutes les compagnies de chemin de fer et de l'augmentation des tarifs. Si les actionnaires et les porteurs d'obligations des compagnies étaient enchantés de cette mesure qui mettait fin à la crise produite par la conférence, le public se montrait peu enthousiaste, car la révolution qui s'était accomplie l'atteignait sérieusement dans ses intérêts. Une hausse considérable eut immédiatement lieu sur toutes les actions de chemin de fer. Par contre, les autres valeurs industrielles, pour lesquelles le transport à bon marché était une condition vitale, subirent une baisse énorme. Du même coup, les actions de la Société des huiles minérales tombèrent de 190 dollars à 87, c'est-à-dire à 13 au-dessous du pair. Les Américains, avec leur esprit pratique, avaient bien vite compris que la société ne pourrait tenir longtemps contre l'augmentation anormale du transport de ses produits. L'opinion publique se résumait dans ces mots. Le roi des chemins de fer a tué le roi de l'huile. Hurrah pour Nathaniel Frog, l'habile homme! À partir de ce moment, le baron Walker ne parut plus que de loin en loin au siège social. Comme ces médecins qui abandonnent un malade désespéré, il délaissait la compagnie dont il n'était plus, en réalité, que le directeur nominal. « Notre entreprise est à la mer, » avait-il dit à son secrétaire général. « Faites pour le mieux, vous avez carte blanche. » Maurice de La Vernay et Kerlucet, pendant les 3 semaines qui suivirent, firent d'héroïques efforts pour enrayer la catastrophe qui commençait. Ils arrêtèrent les commandes exagérées de matériel faites par Walker et parvinrent à revendre, avec peu de pertes, les vaisseaux achetés pour le transport des huiles en Europe. Enfin, le personnel beaucoup trop nombreux de l'administration fut réduit aux proportions indispensables. Tout ce qu'il était humainement possible de faire pour sauver la compagnie fut tenté. Le vicomte Carlucet eut même plusieurs entrevues avec Nathaniel Frog. Mais vainement, il essaya de lui démontrer, de lui prouver de la façon la plus catégorique que la faillite de la Société des huiles de pétrole amènerait une diminution notable dans les recettes des chemins de fer du Grand Ouest, le Yankee fut inflexible. « Si votre société tombe, lui répondit-il brutalement, les puits ne s'envoleront pas pour cela. Une autre compagnie s'élèvera sur les ruines de la vôtre. Chez nous, en Amérique, nous sommes habitués à ces changements perpétuels. Une affaire ne devient réellement bonne que lorsqu'elle a passé par diverses mains. C'est ordinairement la quatrième et même la cinquième génération de spéculateurs qui s'enrichit là où les autres ont sombré. Tenez-vous le pour dit, mon cher monsieur. » Si Kerlusset eût pu douter un instant de l'accord secret qui existait entre le baron Walker et Nathaniel Frog, cet entretien aurait dissipé tous ses doutes. Il comprit qu'il n'obtiendrait rien du terrible Yankee et il se retira la mort dans le cœur. La faillite de la compagnie dans laquelle Lavernet, lui, avait mis 1 million, toute leur fortune, était inévitable. Et chose bien autrement grave, ils pouvaient être accusés d'avoir prêté les mains à l'escroquerie de leur directeur. Pour des hommes d'honneur, c'était à se brûler la cervelle, à moins que la Providence ne vînt à leur secours.